Le marché IGA, Denis Cloutier a décidé de fêter en grand la classique de volleyball Jeannie Larouche Family Prix de Normandin avec des spéciaux imbattables. Cuisse de poulet à 99 cents de la livre. La crème glacée de plusieurs marques comme Kit Kat, Rolo et autres à seulement 97 cents. La pizza surgelée Mike's à 5,98 $. Le marché Denis Cloutier, 1130 Saint-Cyril à Normandin. Monsieur Denis Cloutier et tout le personnel souhaitent la meilleure des chances aux organisateurs de la classique Jeannie Larouche Family Prix et invite toute la population à participer aux activités. Salut tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional de l'édition du 9 août. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord avec... on va parler dans la section entrevue de danredosport.com. Hier, on a parlé avec Victor Véraud qui a terminé au 13e rang lors du championnat canadien qui s'est déroulé en fin de semaine dernière. Mais dans un premier temps, il mentionne que sa première année U23, ben, ça va quand même assez bien pour le cycliste de Saint-Félicien. Comme je m'attendais, là, c'est sûr que c'est une grosse coche, là, mais il y a des coureurs pas mal, puis il y a beaucoup de monde. Là. OK. Dans un deuxième temps, Victor Véraud mentionne évidemment que c'est pas mal comme il s'attendait, mais évidemment, les courses sont beaucoup plus sérieuses parce que les participants s'entraînent plus, explique Victor Véraud. Ils mettent plus de temps, là, fait qu'ils mettent plus de temps à l'entraînement, puis le monde sont plus sérieux, plus que ça monte de catégorie, là, fait que c'est pour ça, là. Plus que ça monte, ben, faut que tu mettes du temps puis faut que tu t'entraînes. Parlons maintenant de golf. On sait qu'il y a une formule de Cup Rider qui se déroule actuellement à Rivière-du-Loup entre l'Ontario et le Québec. Et une belle journée hier pour le Québec qui ont remonté la pente. Ils ont remporté une victoire de 4.5 à 1.5 contre l'Ontario. Ce qui fait qu'après deux jours de compétition, c'est l'égalité 6 à 6. Pierre-Alexandre Bédard jouait avec Vincent Blanchette et ils ont battu l'équipe de l'Ontario 4 à 3. Aujourd'hui, le golfeur de Chipougamau va affronter en simple Lucas King. Et puisqu'il est question d'une formule semblable à la Cup Rider, il y avait un tournoi à Chipougamau la semaine passée. Il y avait 20 joueurs qui s'étaient présentés à la circonstance et victoire des souriants 29 à 13 contre les sympathisants. Maintenant, on va parler du côté de hockey. On sait que le camp d'entraînement des Saguenay de Chicoutimi va s'ouvrir très très prochainement. Et c'est la Coupe Ivan Linka et Wayne Gretzky qui se déroule actuellement en Alberta. Et le deuxième choix au repêchage des Saguenayens, le Suisse Théo Hochette, est le capitaine de l'équipe suisse. Hier, le porte-couleur qui appartient aux Saguenayens de Chicoutimi a amassé deux passes dans une défaite de la Suisse 5 à 3 contre la Slovaquie. Maintenant, au baseball, les Voyageurs de Ville-Saguenay ont perdu 4 à 3 contre les Alouettes de Charlebourg. En raison de cette défaite, les Voyageurs sont toujours en lutte pour le premier rang. Il pourrait participer à un match suicide qui aurait lieu au Stade Richard-Desmeules la semaine prochaine. Donc, pour accéder à ce match suicide, les Voyageurs devront gagner les deux matchs contre Granby. Ça aura lieu à Granby, mais les Voyageurs seront l'équipe autre puisque le Stade Richard-Desmeules en fin de semaine est malheureusement occupé par un tournoi de baseball. Donc, on va surveiller ça également de très très près. À la boxe maintenant, le boxeur Francis Ntetu va remonter dans le ring le 13 octobre prochain contre Éric Batarzian au Casino de Montréal. Le boxeur de Chicoutimi va faire les frais de la finale. La ceinture de la WBO nord-américaine sera en jeu. Ntetu est de retour dans la région. Il peaufine son entraînement avec celui qui a été son premier entraîneur, soit Michel Desgagnés. Maintenant, on va terminer avec du soccer, avec des matchs dans les différentes ligues de soccer qui pourraient nous intéresser. D'abord, victoire dans le U16 masculin, verdict nul de 3 à 3 entre l'Union de Roberval et le FC de Saint-Félicien dans le U16 masculin. Maintenant, U14 féminin, victoire très facile de l'Union de Roberval 7 à 0 contre le Boreal d'Allemand. FC de Saint-Félicien 5, Boreal 0. C'est un match de la catégorie du côté de la catégorie U16 féminin. Et Dolbo Mistassini a perdu 3 à 0 dans un match de senior masculin division 2 contre une formation de Saint-Ambroise. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entendu d'abord avec Joe Hardy. On parle évidemment du décès de Stan Mikita. Stan Mikita qui est décédé à l'âge de 73 ans. Également, je me suis entretenu aussi avec Victor Véraud, le cycliste de Saint-Félicien. Il peut également écouter une entrevue que j'ai réalisée avec Patrick Carpentier. On sait que le père de Lance Stroll, Lawrence Stroll, a repris l'écurie Force India. Donc, tout indique que Lance Stroll ira courir avec son père l'an prochain. Patrick Carpentier nous en parle. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.